Caramel. Les deux militants du collectif Dernière Rénovation, collectif de résistance civile créé l'an dernier autour de la problématique climatique et de la rénovation thermique des bâtiments, les deux militants donc de ce collectif qui avaient interrompu le 5 novembre dernier le match de rugby Stade Toulousain, Stade Français, se déroulant au 7 deniers pendant 6 minutes en montant sur les poteaux et en s'y enchaînant, ont été condamnés dans la semaine pour dégradation volontaire des poteaux de l'ambute à 2 mois de prison avec sursis. Ils se voient également interdits d'enceinte sportive pendant 2 ans et ils devront payer 7 188 € au Stade Toulousain pour la réparation de l'ambute. On se pose encore la question de la nature de ces réparations, la peinture des poteaux, le règlement du positionnement de la barre centrale ou alors le regazonnage de cette zone piétinée par les deux personnes qui évoluaient en basket. Par contre, elle continue, la justice, à criminaliser des citoyens qui se battent et veulent alerter pacifiquement du changement climatique actuel et des bouleversements écologiques et sociaux à venir. Dernière Rénovation, souvenez-vous, c'est également eux qui, en mars dernier, à marge de manifestation contre le projet de retraite à 64 ans, avaient rhabillé un certain nombre de statues du centre-ville avec des slogans politiques. Ainsi, la statue de la fontaine de la place Wilson avait-elle été recouverte d'une banderole proclamant que cette statue ne mourra pas de soif, elle, mais nous, oui. Celle de Carlos Gardel à Arnaud Bernard avait été vêtue d'un t-shirt sur lequel était écrit « Le statu quo tue ». Quant à une troisième, l'inscription de son t-shirt était l'occasion d'interpeller directement Jupiter avec cette question « Eh Macron, 64 ans pour avoir un rendez-vous ?» Je comprends qu'avec une telle virulence, une telle violence, une telle volonté de nuire à la population, une telle inconscience, la justice cherche à prévenir toute nouvelle action de ces dangereux extrémistes, peut-être même, allez savoir, islamo-gauchistes, voire éco-terroristes. Les deux militants du stade Ernest Vallon sont donc les premiers à en faire les frais. Et pendant ce temps-là, justement, alors que partout en France, la chasse à la casserole, poêle et autres ustensiles de cuisine est ouverte, que l'on ferme les avenues que parcourt Jupiter en déplacement à Paris ou dans l'Hexagone, que l'on assigne en justice les militants refusant certaines dangereuses dérives politico-écologiques, 700 fachos masqués, militants de l'extrême droite et autres nostalgiques de Pétain ou du nazisme peuvent défiler en toute tranquillité un samedi après-midi en plein Paris sans que ni la justice ni la police n'y trouvent à redire. Pourtant, défiler masqué est interdit par la loi. Dernier détail, les deux militants de Dernière Rénovation, condamnés il y a donc 2 jours, ont reçu un soutien surprenant, celui du joueur du Stade Français, Clément Castets, qui les a remerciés via une lettre de soutien de, je cite, « défendre notre avenir à tous ». Alors qui, au Stade Toulousain, pour écrire la prochaine lettre de soutien, c'est encore le moment, les deux militants de Dernière Rénovation ont en effet fait appel de ce jugement. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, 34e et dernière saison, réalisé ce soir par Marc Lazaro. Ce soir, Étienne Manchon, pianiste de son état, vient nous parler du duo Congé Spatial qu'il a monté avec le saxophoniste Pierre Lapran. Et puis, je recevrai dans ce studio duo Ray Villalobos, musicien californien, leader de The Choral Sea, avec lequel il vient d'enregistrer un nouvel album, Golden Planet Sky, un musicien actuellement en tournée et qui a pris le soin de venir dans ce studio avec sa guitare. Mais il s'est également installé devant le piano de notre studio. À mon avis, il y a de la musique en direct qui se prépare. Allez, autant le dire tout de suite, un mini-set de 3 chansons qu'il nous jouera en fin d'émission. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Et ça tombe bien, parce que cette nouveauté, on va en parler juste après avec un des musiciens de ce nouveau duo, Congé Spatial. Duo piano-sax, le pianiste c'est donc Étienne Manchon, bien connu de ce côté-ci de la Garonne. Le saxophoniste c'est Pierre Laprin, jeune musicien formé au sein de la sphère jazz, mais jouant également dans un groupe d'afrobeat, dans un orchestre de bal et dans pas mal d'autres formations de jazz. Récent vainqueur du prix René Utréguer, Congé Spatial élabore une musique souvent atmosphérique, lyrique et intimiste, mais une musique qui va chercher également et qui fait également la part belle à des musiques plus remuantes, piochées dans les musiques folkloriques, populaires ou de danse. Un premier album éponyme sort le 26 mai prochain, album qu'ils fêteront le 2 juin au Taquin, album que nous avons reçu hier et dont voici tout de suite un premier extrait. Vent sur la colline, on l'écoute et on en reparle juste après avec Étienne Manchon, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou pardon ? Étienne Manchon, bonsoir. Bonsoir. On doit parler d'un album qui sort ces jours-ci, mais c'est vrai qu'avec vous, on pourrait parler de plein d'albums que vous sortez à intervalles assez réguliers. Vous étiez déjà venu nous voir il y a quoi ? Il y a deux mois avec l'album que vous avez sorti avec votre trio. Ouais. Peu de temps avant, vous étiez venu avec l'album que vous aviez sorti avec l'autre big band. On vous avait reçu aussi pour un album que vous aviez produit, réalisé, celui d'Amandine Bontemps. On a parlé aussi avec vous de l'album que vous aviez fait avec Six or Six. C'est dire si l'actualité pour vous est assez chargée, en disant aussi qu'il y a la pieuvre irréfutable qui s'apprête à sortir un album pour septembre 2023. Tout à fait. Et dans lequel vous êtes aussi au clavier. Parlons déjà de ce congé spatial. Comment est né ce projet, avant que l'on parle de votre compagnon de jeu qui est à Paris en ce moment et qui n'a pas pu venir dans ce studio. Comment est né ce projet ? Il est né il y a 3 ans. Donc en février 2020, en fait on s'est rencontré avec Pierre, donc le saxophoniste, il y a déjà 8 ans. On était ensemble au conservatoire à Paris. Mais bon, l'idée du duo a germé bien plus tard, bien après que moi je sois revenu en terre toulousaine. Et donc voilà, ça s'est créé en février 2020. En fait, j'avais réussi à choper deux petits concerts à Toulouse, à l'impro chez notre Tanguy bien-aimé. Et un autre chez Sylvain à la Maisonnette Orange. J'ai trouvé les dates et après on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ouais, ça se passe comme ça. Un petit peu, ouais, c'était vraiment l'occasion, quoi. On avait envie de faire ça, mais bon, forcément, le fait qu'il y ait des concerts donne un peu une deadline et puis ça nous motive tout de suite à créer un répertoire. Donc là, on a chacun ramené des compositions qu'on avait déjà jouées avec d'autres groupes ou pas. Et puis on a vu un petit peu qu'est-ce qu'on arrivait à en faire, quoi. Une des choses peut-être intéressantes pour votre jeu de piano dans cet album, c'est l'utilisation que vous faites de claviers électroniques. C'est une chose qui commence à arriver petit à petit. Une évolution normale dans votre façon de voir le clavier. Ouais, alors ça fait longtemps que ça me passionne, mais j'avais pas forcément toujours trouvé la place dans mes musiques, dans mes compositions pour les intégrer. En fait, c'est encore une autre palette sonore, quoi. J'exclus pas du tout qu'il y aura d'autres projets où je jouerai plus du piano acoustique ou quoi, mais c'est vrai que c'est tellement de possibilités qui s'ouvrent que j'aurais tort de m'en priver, quoi. Sur cet album, la part belle est faite plutôt au clavier classique, au clavier acoustique, et puis il y a des bidouillages, et puis il y a des sons, et puis il y a des effets qui sont donnés dans cette musique. Donc je le disais au début, une musique qui est assez atmosphérique pour pas mal de morceaux. On pense à du jazz qui a été élaboré en son temps par quelques nordistes, et là je parle du nord de l'Europe, quelques nordistes célèbres, peut-être regroupés autour du label de Bougie Wesseltoft qui s'appelait Jazzland, ce style de jazz-là, mais il y avait aussi Garbarek sur ECM, ou Eberhard Weber également sur ECM, dont ce son un peu éthéré, un peu spatial, avec beaucoup d'écho, beaucoup d'effets, et puis il y a des petites compositions de 3-4 minutes qui, elles, intègrent pas mal de musique folklorique, de musique de danse, le tout qui va aussi chercher dans la musique classique des moyens de faire monter la sauce. C'était un peu ça, votre projet au niveau mélange et au niveau sonore. Alors effectivement, après, il y a des choses qui sont venues aussi au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble. Par exemple, ce truc sur les musiques traditionnelles, c'est plutôt venu au fur et à mesure, c'est plus en improvisant où on s'est rendu compte qu'en fait, on avait tous les deux un peu des références dans ce domaine-là. Moi, mes parents sont musiciens traditionnels. Ils jouent beaucoup de musique traditionnelle bretonne, auvergnate, irlandaise, etc. Et puis, en fait, Pierre aussi a une culture de ça parce qu'il a pas mal joué dans un groupe de bal, effectivement, qui s'appelle Madame Ramdam ou d'autres choses comme ça. Donc ça, c'est venu plutôt après. Mais c'est au fur et à mesure du développement du projet. Mais dès le début, il y avait déjà beaucoup de choses assez éclatées dans nos références, quoi. Et c'est vrai que vous le dites, un album assez éclaté. On n'y cherchera pas forcément la cohérence dans cet album-là. Ça arrivera peut-être sur les suivants. Ça donne un peu toutes les possibilités que peut engendrer ce style de duo. Ouais, tout à fait. C'est vrai que... comment dire, après on espère y avoir laissé quand même une certaine forme de cohérence, mais c'est vrai que on aime tous les deux tellement de choses et notre duo nous permet tellement de choses que on a envie d'explorer un peu partout, quoi. Donc parlez-nous un peu de votre compagnon de jeu, Pierre Laprang. Donc du coup Pierre, donc il est saxophoniste, il est originaire de Savoie où il a fait beaucoup d'études, beaucoup de choses. Et après, il a migré à Paris un an avant moi, donc en 2014. Il a été au conservatoire à Paris et puis maintenant, il est un peu partout avec ses différents projets. Alors, il a un projet solo d'électro qui s'appelle Pierre and the Sumpers. Donc, c'est lui avec son sax, avec ses pédales d'effet et puis toutes les productions qu'il a faites et qu'il mixe en live. Et après, il a son quartet de jazz très très très énervé qui s'appelle Krohn. Un groupe d'afrobeat, Angelo Maria, enfin voilà, il fait plein plein de choses. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez l'intention de mener une aventure un peu au long cours ? Oui, tout à fait. Moi, globalement, tous mes groupes, c'est un peu l'envie que j'ai. Hein. Je ne fonctionne pas vraiment juste par projet où je fais un truc pendant 2-3 ans et puis après j'ai envie de faire autre chose. Moi, j'aime vraiment ce truc d'avoir des projets suivis au long cours et donc... comme c'est le cas par exemple avec mon trio où ça fait plus de 6 ans que ça existe et pour moi Congé Spatial c'est voué à continuer à sûrement faire d'autres albums derrière etc quoi. Mais et à multiplier les projets comme vous le faites en ce moment, il n'y a pas danger à ce qu'à un moment donné vous ne puissiez pas tout faire? Si, sûrement. Ouais. Mais bon, j'y suis pas et puis j'aime tellement ça. Cet album donc sort le 26 mai. Un album qui s'est construit dans quelles conditions? Déjà, le répertoire s'est construit vraiment au fur et à mesure de l'histoire du groupe parce que ça fait 3 ans qu'on joue, oui, et une vingtaine de concerts. Oui, en plus, vous avez quand même deux confinements, ouais, à gérer. C'est ça. C'est ça, mais on a eu quand même beaucoup de chance parce qu'on a réussi à avoir un peu des occasions de jouer dès que les choses se sont réouvertes, etc. Donc je crois qu'on a quand même fait une vingtaine de concerts depuis le début de l'existence du groupe, donc ce qui est vraiment chouette. Et donc voilà, le répertoire s'est construit au fur et à mesure, on a un peu écrémé, il y a des choses qu'on a écrites un peu spécifiquement pour l'album. Donc on l'a enregistré à Paris chez un super ingé son qui s'appelle Julien Rebose, avec qui moi je travaille par ailleurs avec Yves Rousseau. Et après il a été mixé par parmi les fidèles Clément Soulignac, avec qui moi je travaille depuis quasiment 10 ans. Un incroyable ingé son qui habite à Rabastens très exactement, et masterisé à Paris par Benjamin Joubert. Cet album sort le 26, le 2 juin vous serez au Taquin pour fêter cet album-là, et il n'y a pas très longtemps, avec cet album, vous êtes parti à Paris pour participer à un tremplin, un concours, je ne sais pas comment il faut appeler ça, c'était dans le prix Utreger, René Utreger, célèbre pianiste de jazz des années 50, 60, 70, et puis vous avez gagné ce prix-là, ça vous donne quoi, d'avoir gagné ce prix, et là aussi, dans quelles conditions vous avez été amené à jouer dans ce concours ? Alors, ce concours, en fait, c'était plus par une annonce, je crois que c'était sur France Musique ou un truc comme ça, où j'ai vu passer ça, et puis donc, du coup, je me suis dit, bon, autant essayer. Et puis, c'était rigolo, parce qu'en fait, on a croisé beaucoup de copains, hein, comme souvent dans ce genre d'endroit, mais là, particulièrement, il y avait 5 groupes donc, qui étaient finalistes de ce prix. Et en fait, c'était beaucoup de copains avec lesquels on était au conservatoire à Paris, y a eu 5 groupes vraiment super chouettes. Dont un avec qui on a partagé le prix quoi, qui s'appelle Marc Prior Trio, donc c'est un super pianiste qui s'appelle Marc Prior et il jouait avec Théo Moutou qui est le batteur avec qui je joue depuis une éternité, c'était une super expérience ça nous a permis de jouer devant un chouette parterre de journalistes etc. Qui était notamment dans le jury aussi, et puis j'ai même revu mes profs de piano du conservatoire à l'époque, Pierre de Bettmann et Hervé Solin, donc c'était aussi une super occasion, et on a gagné 2 concerts pour la saison prochaine, donc ça, qui viennent s'ajouter à la liste déjà plutôt chouette de concerts qu'on a avec ce projet. Voilà, donc en tout cas, Congé Spatial, donc il faudra attendre le 26 mai pour se le procurer. Album enthousiasmant, il y a une joie de jouer dans cet album qui est assez jubilatoire. Là, on a écouté justement un morceau, j'allais dire, sur le versant un peu dense. Là, on va écouter un morceau nettement plus atmosphérique, Solarium, le morceau qui ouvre cet album, qui donne aussi un peu une idée de ce que vous jouez avec piano, sax classique, mais avec quand même pas mal d'effets, autant sur le sax que sur le piano. Ah ouais, tout à fait. Ouais, je joue aussi du clavier sur ce morceau. Et c'est le morceau qui ouvre l'album. Et donc, tu disais, l'album sort le 26 mai et il est en précommande aussi sur le site d'Inouï Distribution, donc notre distributeur. Donc, dès maintenant, vous pouvez le commander et vous l'aurez le jour de sa sortie, normalement. Très bien. Et bien voilà, Congé Spatial Solarium, le 2 juin au Taquin. Étienne Manchon, merci d'être passé merci à dans toi. Caramel Mou. Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, en attendant le mini concert que va bientôt nous donner Ré Villa-Lobos, on va parler un peu des concerts de la soirée. Ré Villa-Lobos qui étonnamment ne jouera pas à Toulouse, il n'a pas trouvé de salle, il vient de Bordeaux, il sera demain à Pau, il va continuer son périple dans l'Hexagone, mais une fois de plus, Toulouse sera manquante sur la liste d'un artiste en voyage par chez nous. Mais des concerts, il y en a quand même pas mal ce soir à Toulouse. Voici un peu l'agenda de la soirée, agenda concocté avec la complicité du Distorama, l'agenda papier internet des bas-fonds toulousains. Et ça commence ce soir aux Ogresses, 31 avenue de Muret, avec Jurassic Grass, un trio de bluegrass toulousain à 20h30. Le bluegrass, on va finir par en parler dans Caramel, parce qu'il y a plein de groupes en ce moment qui se montent autour de cette musique. Il va falloir quand même aller découvrir qui c'est qui se cache derrière. Donc ça, c'est aux Ogresses ce soir, le trio Jurassic Grass à 20h30. Au Taquin, Pierre Omers Swing Review, un quartet suisse dédié au jive, au bebop, mais aussi jouer avec l'énergie du rock garage, se poudrer d'une dose d'humour digne des Monty Python. Au Taquin à 21h. À l'impro, le quartet du guitariste et bassiste Mathieu Royer. Ce soir, il joue de la basse. Et ce quartet qui invite ce soir le trompettiste Nicolas Gardel, ça commence à 20h30. minutes. Début ce soir du 10e Open Air Plein Phare, festival dédié aux musiques électroniques, festival qui se clôturera dimanche sur le site de l'Observatoire de Pêche David. Ce soir, on pourra écouter Cold Matter Live, Kate Syncope et puis plein d'autres formations et plein d'autres DJ autour des musiques électroniques. Concert caritatif ce soir aux connexions live au profit de l'association Voisins des Rues qui vient en aide aux sans-abri. Concert organisé par le collectif d'artistes toulousains Ciel et Terre avec ce soir sur scène Misted Ransac, Araem, Astérix, Lansco, Absalom et puis tout ça à partir de 19h30. Un solo piano électro ce soir à la Candela, un solo piano électro entre jazz et musique classique qui sera joué à partir de 20h30 par Tessen, un artiste qui vient de sortir son nouvel album Helmut's Peace, sorti sur le label Egoist Records. Donc ce soir, Tessen à la Candela à 20h30. À Archipel, toujours ce soir, place Arnaud Bernard, nouvelle soirée pluridisciplinaire sur le fil, soirée organisée par Laurent Avizou, avec ce soir la musicienne Anna Boucher, la plasticienne Virginie Lédine et la danseuse Laurence Gagnère. Début des hostilités à 20h. Au bijou ce soir, chanson avec Marie Sigal, un piano-voix plutôt poétique à 21h30. À la CAF Poésie, on part à la découverte du Diwan, ces cérémonies mélangent musique et danse lors de séances plutôt rituelles. Le guitariste et musicologue Kamel Zekri évoquera ce soir le Diwan de Bistra, une petite ville en Algérie, à partir de 21h. Et puis ce soir au Labo des Arts, 8 rue Clément, triple plateau avec les Toulousaines de My Imagine We Love, le duo de guitare Dox et puis la pop de Nadine Khoury, musicienne anglo-libanaise dont le nouvel album Another Life, produit par John Parrish, viennent de sortir il n'y a pas très longtemps. Nadie de Khoury, que l'on pourra donc découvrir sur la scène du Labo des Arts. Le concert commence aux alentours de 20h et on va écouter tout de suite Nadie de Khoury avec un morceau tiré de ce nouvel album, Another Life, Vertigo. Strike while the iron is hot, pull up the gear shift and drive. Don't ask me how far we got or what time we'll arrive. The air is bone dust and ash, the earth is fire and maze. Bring your tennis racket, put some muck on your face. Vertigo. The ground cracks under your feet, the building's moving in waves. Spinning effects, disintegrating in rage. The sunlight sets on the gun, somehow the days re-begin. You're still an open, flapping wild in the wind. Go. I can't slow down. I'm spinning, I need to keep moving on. Thank you. This time you feel it without, this time you feel it within. This darkening has set you from under your skin. Under the demon red cloud, where do we go from here? You spit in bloodlust out loud, I'm still trying to steal. The streets of pollen, the tides, the most of all the cash. This time you carry the barrel and I flip the match. This time they blew up the place, this time they made their bed. Not a single voice spoke out. Maybe they pushed us too far till there was nowhere to go. If we scream in this hall of mirrors, can anybody hear us? Will anybody know? Can anybody hear at all? Oh, je pourrais faire mieux, mais ça dépend des troncs. Voyez-vous celui-ci? Son orifice est simple et large. Oui, malheureusement, ils ne sont pas tous aussi faciles. Ah, hélas, j'utilise la suceuse à sous dans les meilleurs des cas. Mmh. Ou sinon, vous travaillez comment? Au caramel mou. Bonsoir, Ray Villa-Lobos. Bonsoir. Vous êtes notre invité très spécial ce soir en tournée, j'allais dire européenne. Vous êtes arrivé de votre Californie il y a peu de temps. Vous étiez il n'y a pas très longtemps à Bordeaux. Demain, vous serez à Pau, justement avec la chanteuse que l'on vient d'écouter, Nadine Coury. Vous êtes un chanteur, auteur, compositeur, donc californien, qui vient de sortir Golden Planet Sky, un album dans une veine plutôt intimiste, sorte de folk slowcore sous influence romantique. Vous dites par ailleurs que vous êtes un fan des compositions de Frédéric Chopin. C'est ces influences romantiques que l'on entend dans ce disque. Et je vais laisser Gérald Guibaud faire la traduction. Il est venu gentiment assurer cette traduction. So, I think you asked for the influence. Yeah. Influences of like were all in the beginning when I was younger. Mm-hmm. They all kind of melted into an amalgam, and like I don't really pull from a lot of. I don't listen to music and say, "Oh, I want to do that." You know what I mean? Mm-hmm. So I love Chopin, and I always will, and Francis Black, John Lennon, mm-hmm. Those. And after that, I'm like, who else? I mean, you know, it's like, how can you? And I don't own a CD. I don't own a CD player. Oh. It's weird. I think like a lot of musicians don't listen to a lot. They're writing more. Mm-hmm. But those are the basis of everything. Oui, alors sa réponse est simple. Hein. Donc, depuis qu'il est tout petit, il écoute beaucoup de musique et c'est plutôt, il capte les sons et voilà, ça se mélange souvent dans un magma sonore et ça, c'est un gros fan. Donc oui, comme tu l'as dit, de Frédéric Chopin et il le saura toujours. Mais pas que, hein, donc notamment aussi Frank Black, John Lennon. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas de lecteur CD. Et donc, il écoute, je pense, sa musique beaucoup dans l'air, dans la radio, voilà, ou sur le moment. Et je pense que voilà, c'est pour lui, ça sera surtout ce mélange d'influences entre le classique, on va dire le rock indépendant de Frank Black, et puis la pop classique de John Lennon, qui va sous-tendre vraiment ses compositions. Vous nous parlez un peu de votre parcours d'artiste. I just started playing piano, classical piano, as a kid, very young, like 7 years old. Il a commencé à apprendre le piano beaucoup d'enfants à 7 ans. And then I started playing drums in high school. I was a drummer all through when I was younger, and then I just picked up the guitar and started playing. Autodidacte. I've been doing this. I haven't done anything else. I've just been doing this since I was a kid. You learned that all by yourself. I taught the guitar and just wanting to write his songs and. Donc il est après à l'école, on va dire secondaire, il a appris la batterie. Donc il a joué dans des groupes de la batterie, et puis après, plus tard, étant jeune, il a continué, il s'est mis à la guitare tout seul aussi, et voilà, parce qu'il en avait vraiment beaucoup envie de prendre le manche. This is it. This is all I've been doing. And to go back to your other thing about influencing, I was talking about this the other day. It's just the desire to write a really good song where you can. Like you have a melody and you have the lyrics, mm-hmm. and a hit song or great songs mm-hmm. have both of that. Mm-hmm. So you're always, or I'm always striving to just, I love writing melodies and cool songs, and like hopefully I can write a great song. Mm-hmm. And that's like the influence now, mm-hmm. you know. Après avoir appris tous ces instruments, c'était de pouvoir écrire des grandes chansons, des bonnes chansons. Et pour lui, une bonne chanson, c'est une bonne mélodie et des bons textes. Et donc, voilà, c'est ce qu'il cherche à faire toujours. Il adore trouver des mélodies et des bonnes mélodies. Et donc, il essaye de le cumuler avec un bon texte pour en faire une bonne chanson. Il espère qu'il y arrive. Et je pense que, vu le nombre de fans qu'il a, je pense qu'il n'en est pas loin. L'inspiration des textes, elle va chercher où? C'est l'actualité, c'est son environnement, c'est des chansons nettement plus atmosphériques, nettement plus poétiques. Yeah, so the lyrics just usually it comes from like what's happening to me in my life in the moment, and it's almost like, I think I've heard this before, you almost get like a download. I'm not even writing the songs, they're kind of just happening. But it is more from something that's happened. Yeah, I don't really write about stories about other people. It's more how I'm feeling in the moment. Yeah. And it's like, I guess 95% your like heart and 5% your brain. C'est une bonne façon de le dire. Donc il écoute beaucoup un peu la radio, bien sûr. Et il pioche un peu autour de lui, mais c'est quand même malgré tout très très personnel voilà, quand il écrit, c'est comme il dit, les paroles elles viennent comme un download, voilà, comme si elles étaient téléchargées de son cerveau dans le crayon. Et en fait, donc en gros, ses textes, c'est vraiment inspiré de son vécu et de 95% d'histoire personnelle, et on va dire 5% qui reste, c'est le cerveau qui rajoute un peu de d'enjolivage pour faire des bonnes paroles. Revillalobos, vous faites partie de la scène californienne. Qu'en est-il de la scène actuelle californienne? Dites-nous 2-3 mots sur cette scène californienne. Oui. It's so fragmented. The United States is so big. Mm-hmm. So we're in a very small scene, and it's weird. But it's like you draw from all over the years of different folk songs and different folk groups. En fait, en Californie, il est très très proche d'Emily Jane White, qui est une chanteuse qu'on connaît bien en France, parce que depuis des années, elle est défendue par le label Bordelais Talitre de Sean Bouchard. Après, sur la scène californienne, ils se sentent un peu isolés, on va dire, parce que c'est assez fragmenté. Je pense que actuellement aux États-Unis, c'est plus à l'échelle du pays qu'il faut la voir, la scène folk. que vraiment comme à l'époque ça pouvait l'être avec le Lorraine Canyon. Donc il n'y a pas plus d'influence que ça qui lui vienne à l'esprit avec son batteur Eric Riddle. Je pense qu'ils ont tous l'habitude de jouer avec d'autres musiciens du pays. Mais là, pour la scène californienne, on n'aura pas les références qu'on ne connaît pas encore et qui vont peut-être prendre la lumière d'ici quelques temps. Actually, we're talking about, I don't know any other folk musicians in the city we live. And I actually met Emily through Nicola in 2013, playing on a radio show, talking here in Toulouse. Yeah. So it's weird how I got connected to her through here, through being in France. It's because of you guys. So thank you. Okay. Donc en fait, pour l'anecdote, ils connaissent donc pas tant que ça d'autres chanteurs folk dans leur ville parce que ils sont vraiment très très isolés dans leur ville. Et par exemple, Emily Jane White, il l'a rencontrée en France grâce à Nicolas de la Centrifugeuse qui avait organisé après des concerts. Et donc il faut qu'ils viennent en France, les musiciens californiens, pour se rencontrer. So you guys are keeping that folk California alive, France, because of you guys. Donc en fait, c'est nous les Français qui maintenons en vie la scène californienne, en plus déjà de sortir leur disque, de faire la promotion, hein, donc tant mieux, je pense qu'ils sont assez reconnaissants les Américains, il faut qu'on continue. Bon écoutez, merci beaucoup Ré en tout cas pour ce petite interview un peu compliqué, mais merci à Gérald Guibaud pour la traduction qu'il vient d'en faire, et juste le temps pour Ré Villalobos de s'installer devant ses instruments pour nous faire un mini set. Il sera accompagné donc du batteur Eric Riddle, le musicien qui l'accompagne dans la tournée qu'il a entamée il y a une petite dizaine de jours en France. On va peut-être écouter justement Nicolas Favier de la Centrifugeuse qui va nous dire un peu dans quelles conditions il a rencontré et il défend le répertoire de Ré Villalobos. Bonjour, mais moi j'ai connu Ray à l'époque de la sortie de son album Fold in the Wind, mon anglais est très mauvais, en 2013, sur le label Fargo, qui n'existe plus malheureusement. Et du coup, à l'époque, j'ai eu un gros coup de cœur, et je ne sais plus qui m'a contacté, mais je l'ai fait venir à Toulouse, au Mandala, dans le cadre du FAM, le Forum des Alternatives pour la Musique, pour un concert, c'était, je crois, au mois de novembre 2013, avec Alone with Everybody. Voilà. Par contre, la deuxième fois, il parlait tout à l'heure de la rencontre avec Emily Jane White, c'est pas moi. Et apparemment, il est revenu en 2018 à Toulouse, à la Dynamo. Et je sais pas pourquoi, je l'ai pas vu à cette époque-là. Et sinon, l'an dernier, il m'a contacté pour faire la promo d'un single, parce qu'il a, pendant le confinement, en fait, il a réinterprété ses albums au piano solo. Et comme il a une grosse fanbase en France, il y en a un fan hardcore ici avec nous. Voilà. Et non, mais c'est vrai, c'est ce qu'il dit, c'est intéressant. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup d'artistes américains qui sont peu connus aux États-Unis, mais qui sont très connus en France, comme Elysian Fields, qui fait une tournée actuellement, la deuxième en un an, qui va jouer à Gaillac, d'ailleurs, le 21 mai. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans dans toute la France, dont Dominique Hérault, qui avait fait un clip l'an dernier. Et c'est à cette époque-là qu'il m'a recontacté pour faire la promo de ce clip. Et du coup, cette année, j'ai refait la promo de son album. Et ça a été sélection de la semaine sur Télérama, passage sur FIP. Donc, il a pas mal de fans en France, quoi. Et en parlant de fans, on va remercier aussi Cyril Humeau, donc le guitariste de Wax Me, qui au Débeauté nous a amené l'ampli sur lequel dans quelques instants va jouer Ré Villalobos. Ré Villalobos, donc qui est prêt, voyez, qui est prêt pour ce mini set, trois morceaux dont tiré de son répertoire et de son dernier album. Je vous laisse les micros et la musique. Feels like it's all with him. No, I'm alone. Say it is love. Or maybe baby. A life is no sacrifice. Love makes no sense in life. Promise you more my eyes. They said. To me. Villa-Lobos, actuellement en tournée du côté de chez nous, mais pas à Toulouse. Merci aux programmateurs toulousains d'avoir oublié l'artiste. Ray Villa-Lobos était notre invité ce soir. Demain, il joue à Pau. Il joue à Pau avec Nadine Coury. Nadine Coury qui, elle, a été programmée à Toulouse. Et ça se passera ce soir à partir de 20h au labo des Arts. Je rappelle simplement que Ray Villa-Lobos vient de sortir un album, Golden Planet Sky. Album sorti sur son label, le label qu'il a monté pour distribuer dorénavant sa musique. Ray Villa-Lobos, en tout cas, était notre invité assez exceptionnel ce soir pour ces trois morceaux qu'il vient de nous offrir. Encore merci beaucoup, Caramel Mou. C'est terminé pour aujourd'hui. Juste le temps pour moi de remercier quand même Gérald Guibaud qui a assuré la traduction. Et également Cyril Humeau qui nous a prêté une partie du matériel qui a été utilisé ce soir pour ce mini set. Et puis Nicolas Favier qui est venu aussi nous parler de cet artiste Ray Villa-Lobos qui est venu nous jouer trois morceaux accompagnés de son batteur Eric Riddle. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. La réforme oui, la chienlit non. Parce que c'est notre projet. La question est la suivante, comment vous portez-vous ? Personne n'a craqué ! Et là ! Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, eh bien, c'est John Little qui reprend le contrôle de cette station avec un nouveau incredible et génial Little by Little Wicked Show. Demain, à 22h, sur ces zones de campusienne, on pourra écouter un nouveau numéro de l'émission La Liste. Et celle de demain a été concoctée par Thomas Boudineau, dit le flegmatique. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, avec le guitariste Jérémy Rolando et l'écrivain Didier Goupil. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte avec un dernier morceau de The Coral Sea, extrait de son album Fold in the Wind, dont nous parlait tout à l'heure Nicolas Favier, Ageless. Salut les filles, à la semaine prochaine. And see if it dies. The falling is saved. I wanna make things right. In his eyes, in the fall of your hand, in the peace under her, and now that you can. Caramel!